L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus, vous entendez la radio Pokajou International, diffusée directement depuis Jukapo, capitale de notre île. Je suis Melissa Suarez El Real, comme d'habitude, très contente de vous accueillir dans notre émission. Chaque année, plus de 5000 familles se nourrissent grâce aux revenus de la récolte de Trompera, le fruit le plus populaire de notre île. Ce fruit, il faut le décrire pour les personnes qui ne le connaissent pas, ce fruit a un goût sucré, salé, piquant et à la fois aromatique. C'est un goût donc très particulier parce qu'il mélange plusieurs saveurs. Et en fait, c'est peut-être à cause de ça qu'on dit parfois que nous, les Pokajitiens, on est un peu comme des fruits de Trompera. Il y a plusieurs goûts mélangés dans un même peuple. Le Trompera n'est pas important seulement pour ses qualités alimentaires. Depuis des siècles, les écorces et pépins ont été utilisés comme combustible et on considère que les racines de l'arbre est la meilleure solution pour les parasites. Donc la plupart d'enfants de Pokajou ont goûté la concoction de racines de Trompera. Et dans la culture traditionnelle, cet arbre est aussi très important. Aujourd'hui, on va dédier notre émission à ce fruit et on va commencer par la mythologie pokajoutienne qui nous raconte que Shu, la déesse du silence, ne pouvait pas manger parce que les fruits qu'elle trouvait étaient trop bruyants et le fait de le manger lui faisait mal. Finalement, elle a retrouvé un arbre de Trompera et quand elle a ouvert la chair doux d'un fruit, elle s'est rendue compte qu'elle pouvait manger autant qu'elle voulait, puisque c'était un fruit ne produisant aucun son au moment de l'ouvrir. C'est pour ça que l'arbre est considéré sacré, spécialement vu le rôle si important qu'il joue la déesse Shu dans la mythologie pokajoutienne. Et c'est pour ça qu'il est interdit de manger un fruit de Trompera quand il est le seul à rester dans l'arbre. On est censé laisser ce fruit pour Shu. Ce mythe, en fait, peut se ressembler un peu à l'histoire de Adam et Ève dans l'iconographie chrétienne en Europe. Voici un morceau dédié, en fait, à ces fruits sacrés et à la fois bannis. Garden, everything was great till one day a boy says, "Pardon, miss, my name is Snake. See that apple over yonder? If you'll take a bite, you and Adam both are bound to have some fun tonight. Go on and eat the pretty fruit. It's mighty sweet." Instead, you don't want to waste it. The Lord has said in the beginning, everything is free, except that apple, it leads to sinning, so let that apple be. But Eve got tempted, so she tried it. And as all chicks do, teased her man, though he decided he'd just try some too. Go on and eat the bitter. It's mighty sweet. The bitter. It's quite a treat. The bitter. Go ahead and bite it, I bet you'd be delighted. Hate to tell you all what followed. The Lord was most upset. Saw them making love and hollered, "What have you to eat?" And when they made a full confession, the Lord says, I see. I guess I'll have to teach you a lesson about not minding me. Go on and eat. It's mighty sweet. It's quite a treat. You go and did it, now you're gonna get it. The Lord made E.B. Adams, madam, have his kids and all. Placed some labor laws on Adam and he made the snake to fall. Ever since the days of Eden, folks been sinful mind. Nowadays they're even eating apples in their pie. Go on and eat. I bet you'd be delighted. You always did it. Now you're gonna get it. On est de retour à la radio Pocajou internationale. Je suis Mélissa Suarez-Eldrel. Aujourd'hui, on a décidé de dédier notre émission à l'arbre de Trompera. L'arbre de Trompera est une des espèces les plus particulières et on le considère parfois comme une espèce de curiosité botanique. C'est un arbre qui d'abord n'aime pas trop les changements de température et qui par contre est habitué à un climat assez stable. Il se reproduit pendant les saisons de moisson et pendant la saison sèche, il donne ses fruits. Ses branches sont parfois appelées mains des singes parce qu'elles sont sensibles au mouvement et donc capables de modifier la configuration de l'arbre. Spécialement pour protéger les pousses fruits du vent parce que cet arbre aime bien habiter à côté de la mer. C'est peut-être pour ça qu'on le considère la source de sagesse des hommes à Pocajou. Une autre curiosité, c'est que ses feuilles en forme de cylindre, quand le vent passe au milieu, elles sont capables de siffler. Et cela est aussi la raison pour que cet arbre soit considéré comme surnaturel. Figurez-vous un arbre capable de bouger et de produire des sons. En fait, on croit que l'origine de dire « chut » pour demander à quelqu'un de se taire vient en fait du sifflement produit par cet arbre relié à la déesse du silence. Il est aussi le symbole du Pocajou avec la tolondre, l'oiseau royal, et ses branches apparaissent sur les pièces de monnaie des 50 carcaras. En fait, un mouvement urbain dans les années 90-2000 avait comme but la mise en valeur des arbres de Trompera sauvages. Les membres de ce mouvement se rendaient dans les vallées entourant Jucapo pour aller embrasser les troncs d'arbres de Trompera. Ce morceau qu'on va entendre tout de suite est inspiré de ce mouvement qui s'est répandu aussi dans d'autres villes au travers le monde. Voici Tree Hugger. Said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the critters all appreciate the effort. Et le jackalope a dit, je voudrais être pour voler dans la nuit et m'en aller loin d'ici. Mais le Yeti a dit, je veux être un monstre marin pour pouvoir loper dans la mer de tous les requins. And the rattlesnake said, I wish I had hands so I could hug. hug you like a man. And then the cactus said, but don't you understand? My skin is covered with sharp spikes that'll stab you like a thousand knives. A hug would be nice, but hug my flower with your eyes. The flower said, I wish I was a tree. The tree said, I wish I could be a different kind of tree. The cat wished that it was a bee. The turtle wished that it could fly really high into the sky, over rooftops and then dive deep into the sea. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And in the sea there is a fish that has a secret wish, a wish to be a big cactus with a pink flower on it. And the flower would be its offering of love to the desert, and the desert so dry and lonely that the creatures all appreciate the Selon les récits historiques de la cour pocahontienne, dans le XIIIe siècle, le Maharaja Kopkapé le III, un savant de la botanique pocahontienne, en regardant l'arbre de trompera de son potager royal, s'est rendu compte que les feuilles les plus petites donnaient un sifflement plus aigu que les feuilles plus grandes, et qu'en fait, les feuilles s'alignaient naturellement par taille. Donc, il était le premier à utiliser l'arbre de trompera et ses feuilles cylindriques comme un instrument musical. À fur et à mesure qu'il a développé cette connaissance, il a développé aussi le système de notation musicale pocahontien, où des feuilles s'attachent à des branches et chaque feuille avait une connotation et une signification différente. La série de branches appelée kupakapa se perchait dans les temples pour que les musiciens ambulants pouvaient les jouer. Aujourd'hui, en désuétude, la lecture et l'écriture musicale avec cette méthode nécessite de plusieurs années d'études en botanique et en musique à la fois. Cette façon d'écrire la musique a permis une énorme avance musicale dans l'île et nous a permis de connaître de la musique pocahontienne très ancienne. On va vous laisser avec une chanson appelée Day-O, avec une harmonie que, selon les ethnomusicologues pocahontiens, provient de la tradition musicale pocahontienne, même si le résultat de cette recherche n'est pas définitif. Je suis Melissa Suarez del Real, vous avez entendu une autre émission de Radio Pocahontas International. Voici la version du Kermit Quartet de Day-O. À la prochaine. Radio Pocahontas International est diffusée à Toulouse à travers de Radio Campus 94 FM. Day-o, me say day-o, daylight come and me won't go home. Day, me say day-o, daylight come and me won't go home. Work all night for a drink of rum. Daylight come and me won't go home. Pack banana till the morning sun. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot buns. Daylight come and me won't go home. Top banana, what a beautiful buns. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me won't go home. Pack my things and I go to sea. Daylight come and me won't go home. These bananas see the last of me. Daylight come and me won't go home. Day-o, me say day-o. Daylight come and me won't go home. say day, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, oh. Daylight come and me won't go home. Radio Pocageux International finalise sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!